Je me réveille à 4 heures le matin, au doux son du déneigeur de mon voisin. Quand la gratte folle la déposait dans mon entrée, une grosse montagne de flocons givrait. Quand la nunuche du canal météo annonce une tempête avec un sourire mono. Quand ça fait une heure que j'attends l'autobus, à moins 30 à me faire geler l'anus. L'hiver me fait chier. L'hiver me fait chier. Quand je vois mon gros voisin, le riche avocat, partir pour un mois à Cuba. Quand en plus il me demande de prendre son courrier, surveiller sa maison, déblayer son entrée. L'hiver me fait chier. L'hiver me fait chier. Attention, on annonce que la route 419 est dégagée à temps partiel et que la visibilité y est de nulle à pourrie. Oh non, j'en parle pas encore! Les écoles de la commission scolaire des raffineurs seront partiellement ouvertes ce matin. Ainsi, les classes 10 à 38 de l'école Sœur-Marie du Rosier-Vernay sont fermées, mais les classes du deuxième étage demeureront ouvertes. Marie-Mitaine du château plus au côté de Merle, dis-moi pas de temps qu'on perdu ta tue! Si vous devez absolument sortir, le traîneau à chien est fortement recommandé. Bon, y'a-tu quelqu'un qui a des corps à booster? Aujourd'hui, la chaussée sera de glissante à patinante. On recommande une prudence de moine. Bonne nouvelle aujourd'hui, on annonce du beau temps, mais à Cancun, à La Havane, à Paris.